Bonjour Maëlys, à la semaine prochaine. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série en 4 épisodes consacrée à Gustave Flaubert. Au générique de cette émission, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Youtou Diego Hack Lopez. Gustave Flaubert, né en 1821 dans une famille bourgeoise de Rouen, a dédié sa vie à la littérature et sa biographie présente peu d'aspérité. Après la tentation de Saint-Antoine que ses amis le dissuadent de publier, il connaîtra le succès grâce au scandale de Madame Bovary, puis alternera les romans d'inspiration moderne et historique, Salammbô, l'éducation sentimentale, la tentation de Saint-Antoine deuxième version, et Bouvard et Pécuchet. Tout cela, Pierre-Marc de Biasi nous l'a raconté lundi dans une émission à retrouver en téléchargement. De l'histoire, celle qui est entrée dans ses romans, tout comme celle qui a secoué le 19e siècle, il a été question mardi avec Gisèle Séginger, coordinatrice du dictionnaire Flaubert, récemment paru aux éditions Honoré Champion. Nous avons également parlé de la conception que se faisait l'écrivain de ce que devait être pour lui un véritable artiste. Et puis hier, avec l'universitaire Pierre Glaude, nous nous sommes arrêtés sur l'éducation sentimentale et en particulier sur ce que ce livre dit du sentiment religieux à l'époque de Flaubert. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour passer au scalpel deux grands romans de Flaubert, Madame Bovary et Bouvard et Pécuchet, nous sommes en votre compagnie. Yvan Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de lettres modernes à l'Université de Rouen et directeur du Centre Flaubert. Le dernier essai que vous avez consacré à l'écrivain s'appelle Madame Bovary au scalpel, genèse, réception, critique. C'est aux éditions Classique Garnier. On peut rappeler aussi que vous avez publié il y a quelques mois un livre de lettres à Flaubert. C'est aux éditions Thierry Marchès. C'est un livre qui regroupe des lettres d'écrivains contemporains adressées à Flaubert. Alors il y a Christine Montalbetti, Belinda Cannon, Philippe Delerme, Philippe Le Guillou et Pierre Bergougnou. Alors Pierre Bergougnou, lui, il a même écrit trois lettres à Absolument, Flaubert. Absolument, oui. Trois lettres à des moments différents. Ouais. Trois lettres qu'il a précédées d'ailleurs d'un petit texte où il dit que Flaubert n'aura pas su finalement vraiment ce qu'il faisait. Vous êtes d'accord avec non, ça? Non, pas du tout. Flaubert est hyper conscient de, donc Pierre Bergougnou s'est trompé. Alors, évidemment, il n'était peut-être pas conscient de la totalité des effets, mais quand on lit la correspondance, on s'aperçoit quand même que c'est un écrivain critique, c'est un écrivain théoricien. Il sait, par exemple, quand il écrit Madame Bovary, il est en train de mettre au point sa théorie de l'impersonnalité, et au fond, si on n'avait pas cette partie réflexive de Flaubert, c'est-à-dire ce qu'il dit de son œuvre en train de se faire, ou de son œuvre faite dans la correspondance elle-même, on serait privé d'un moyen de compréhension du texte. Donc, c'est grâce à Flaubert, au fond, qu'on peut lire Flaubert. Ceci dit, alors comme dit Genette, par exemple, la compréhension qu'on a du Flaubert théoricien aujourd'hui dépasse évidemment l'horizon que Flaubert pouvait avoir. Par exemple, prenons un seul exemple. Flaubert, quand il pratique le style indirect libre, il savait pas que c'était du style indirect libre, parce qu'on l'a nommé à la fin du 19e siècle. Il a le sentiment d'inventer quelque chose. Mais il invente quelque chose. Alors, on l'avait pratiqué avant lui. Il y a quelques éléments de style indirect libre chez La Fontaine, par exemple. Mais ce procédé qui consiste à être à la fois dans les pensées ou les paroles internes du personnage et puis un peu à l'extérieur, un peu décalé pour faire paraître quelque chose du jugement du narrateur, ça, au fond, il va systématiser ce procédé-là à l'intérieur de Madame Bovary et ça va être repris ensuite, en particulier par Zola et les naturalistes. Mais quand même, Flaubert, il a conscience de ça parce que dans les notes de régie de Madame Bovary, c'est-à-dire les petits termes qu'il met lui-même dans ses brouillons pour dire comment il doit faire et comment il doit procéder, les petits conseils qu'il se donne à lui-même, il écrit assez régulièrement en marge, indirect, maître à l'indirect, c'est-à-dire transformer du dialogue direct. Il aimait pas le dialogue direct parce que c'était trop théâtral, c'était trop facile pour lui. Maître à l'indirect. Donc le fait qu'il utilise même le terme indirect en ignorant que ça va s'appeler le style indirect libre, c'est-à-dire détaché d'une parole de narrateur, ça, ça prouve une hyper-conscience critique quand même de sa part. Alors pourquoi Pierre Bergoglio dit-il ce qu'il dit? Ça, il faudra lui demander. C'est quand même un grand critique littéraire. Absolument. Aussi. Et puis un grand écrivain surtout. Non, ce qui, il me semble que Flaubert, chez lui, alors il y a une formule qu'il utilise à dans une lettre à Tourguenieff qui s'applique à lui. Et il dit qu'il aime bien les écrivains chez qui la critique est à la hauteur de la création. Et il fait partie de cette lignée d'écrivains critiques qui inclut alors Baudelaire, Valéry, Mallarmé, etc. Enfin, il a une conscience critique, me semble-t-il, qui est à la hauteur de sa création. Donc il faudra que vous demandiez à Pierre Bergoglio. On va lui demander. Voilà, de vous expliquer. Alors Pierre Bergoglio, il disait aussi dans ce texte qu'il fallait se rappeler que Flaubert a commencé à écrire à 13 ans. C'est vrai. Oui. Et ça, on l'oublie complètement, parce qu'il y a 20 années d'écriture qui ont complètement servi, enfin, de quoi? De matrice, d'exercice. C'est quoi ces 20 premières années de non-publication de beaucoup de textes? Quand Flaubert publie Madame Bovary en 56-57, il a 35 ans, c'est-à-dire il n'est pas tout jeune, et il a beaucoup écrit avant. Dans une lettre inédite que vous trouverez en ligne sur le site Flaubert dans l'édition de la correspondance intégrale qu'on a mise en ligne en novembre de l'année dernière. Il y a une lettre tout à fait intéressante qui est passée en vente il y a peu de temps à Jules Lemaître, dans laquelle il dit « J'ai beaucoup de textes inédits ». C'est peut-être la première fois qu'il en parle dans une lettre, en tout cas à un critique. Alors, pourquoi est-ce qu'il publie pas avant? Parce que il a le sentiment de textes inaboutis. Et en particulier, alors, La Tentation de Saint-Antoine de 49, il était peut-être prêt à publier, mais ses amis, vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, lui ont donné un avis qui lui a porté un coup absolument terrible. Et donc, du coup, il a pas publié ça. Il a quand même publié, alors, toute petite exception, quand il était jeune, vers 15-16 ans, il a publié dans une petite revue rouennaise qui s'appelle Le Colibri, deux petits textes, Bibliomanie et Histoire naturelle genre commis. Mais à l'exception de ça, il a jamais publié, en particulier Mémoire d'un fou et Novembre, qui sont ses grands textes, et puis L'éducation sentimentale de 45. Mais il devait estimer que c'était pas assez abouti, et puis tant mieux, d'une certaine manière. Alors, Flaubert a un rapport aussi à la publication. Il dit que s'il n'y avait pas eu Bouillet et sa mère, il n'aurait jamais publié Madame Bovary. Il s'intéresse à l'aspect, comment dire, à la genèse du texte, à ce qui se passe dans sa tête, dans l'écriture en progrès, beaucoup plus qu'à la version imprimée. Bien entendu, il va publier, il s'intéresse à la publication. Mais il sépare d'une manière très nette la partie privée à laquelle il s'intéresse beaucoup, la partie manuscrite, et il va conserver tous ces manuscrits comme témoignage de l'écriture artisanale, pourrait-on dire. Et puis la publication, c'est quelque chose. Il dit d'ailleurs que ce qui serait fort, c'est un écrivain qui ne publierait rien de son vivant et qui publierait tout après sa mort ou à la fin de sa vie, par exemple. Et donc en 1856, à la Revue de Paris, paraît Madame Bovary, titre finalement assez anodin. Et là, les mots, qui étaient avant des mots inopérants, qui étaient des mots pour soi, deviennent des mots pour les autres, des mots opérants, qui parlent d'adultère, qui parlent d'obscénité, en tout cas selon les critères de l'époque. Alors, vous dites un titre anodin, pas tout à fait anodin quand même. Je me souviens d'une expression de Pierre Bergoglio, puisque nous parlions de lui, il parle de titre oblique. Et je trouve que l'expression est très intéressante. Et ça fait partie des reproches que le procureur impérial Ernest Pinard va faire à Flaubert. Il lui dit que c'est un titre qui n'est pas suffisamment explicite. Il aurait fallu intituler le livre pour mettre en garde le lecteur et surtout la lectrice, Histoire de l'adultère. Des adultères d'une femme en province. Madame Bovary dit quand même quelque chose. C'est que dans Madame Bovary, il n'y a plus rien de Emma. Comme lui dit Rodolphe à un moment, c'est le nom d'un autre. Et donc Madame, c'est un statut social, mais un statut social évidemment qui va emprisonner Emma dans la médiocrité. Et puis Bovary, c'est pas son nom, elle s'appelle Emma Rouault. Il ne reste rien du personnage. Donc c'est pas tout à fait un titre anodin. La Bovary m'assomme. Comme je regrette maintenant de l'avoir publiée. Tout le monde me conseille d'y faire quelques légères corrections, par prudence, par bon goût, etc. Or, cette action me paraît à moi une lâcheté insigne, puisque dans ma conscience, je ne vois dans mon livre rien de blâmable, au point de vue de la morale la plus stricte. Voilà pourquoi j'ai dit à Lévy de tout arrêter. Je suis encore indécis. Ah, je sais bien tout ce que vous allez me répondre. Avouez au fond que vous pensez comme moi, cependant. Et puis, l'avenir. Quoi écrire qui soit moins inoffensif que ce roman ? On s'est révolté d'une peinture impartiale. Que faire ? Biaiser ? Blaguer ? Non, non, mille fois non. J'ai donc fort envie de m'en retourner pour toujours dans ma campagne. Et dans mon silence. Et là, de continuer à écrire pour moi. Pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. L'insouci de la renommée me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver. Je valais mieux il y a un an. Je me fais l'effet d'une prostituée. En un mot, le tapage qui s'est fait autour de mon premier livre me semble tellement étranger à l'art que je suis dégoûté de moi. De plus, comme je tiens infiniment à mon estime, je voudrais bien la garder. Je suis en train de la perdre. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait d'une lettre de Flaubert à son ami d'enfance, le philologue Frédéric Baudry. Et il est vrai, Yvan Leclerc, que la publication de Madame Bovary a causé beaucoup de soucis à ce pauvre Flaubert. Voilà. Oui, c'est une lettre intéressante parce qu'elle se situe entre le moment où Flaubert a été acquitté, c'est-à-dire février 57, et le moment où il va publier son œuvre qui a été pré-publiée dans la Revue de Paris, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Il va la publier chez Michel Lévy. Mais du coup, il y a quand même un problème, c'est que la justice peut à nouveau se saisir du roman si Flaubert rétablit des scènes censurées, en particulier la célèbre scène du fiacre. Donc il se demande ce qu'il va faire. Et alors, il est dans l'extrait que l'on vient d'entendre, il est à la fois évidemment flatté par le succès, mais très gêné par le malentendu du scandale. Il aurait aimé un succès littéraire, or il a un succès pour immoralité. Mmh. Ça lui plaît pas du tout. D'autant que ce malentendu s'ajoute à un autre malentendu, c'est celui du réalisme. Flaubert, du coup, a été promu chef de l'école réaliste, alors que, bien sûr, c'est un romancier du réel. Et en même temps, il se reconnaît pas du tout dans l'école réaliste, qui était à l'époque une sorte d'insulte, puisque le réalisme était défini comme la reproduction plate de la réalité, sans art et sans idéal. Or, Flaubert veut faire de l'art à partir de la médiocrité. Donc, il y a un double malentendu. Le succès de Scandale, il aurait aimé un succès littéraire, et puis ce problème du réalisme qui est un deuxième malentendu pour lui. Il y en a peut-être même un troisième de malentendu, c'est ce qui va rester dans la tête des lecteurs, de l'image de Flaubert comme étant l'auteur d'un seul livre, Madame Bovary. C'est le livre qui éclipse tout le reste, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, de son vivant, c'est pas tout à fait le cas, parce que le deuxième roman qu'on a tendance à moins lire aujourd'hui, parce qu'il est très spécial, Salammbô, a un succès extraordinaire. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres des ventes, c'est Madame Bovary qui s'est le plus vendue. Mais Salammbô a un succès public jusqu'à la cour, puisqu'on va on va s'habiller en Salammbô dans les bals. La vie mondaine de Flaubert, enfin la vie mondaine entre guillemets, parce que bon, il faut pas exagérer non plus, commence à partir de Salammbô. Et c'est à ce moment-là qu'on crée même la pâtisserie appelée Salammbô qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une lettre de Bouillet qui lui dit, tu sais qu'on a imaginé un gâteau qui s'appelle Salammbô. Donc là, il devient une sorte de personnage un peu plus public qu'avec même. Ceci dit, il est vrai que à chaque fois, alors la réception en plus après de ses œuvres va aller se dégradant, c'est-à-dire que l'éducation sentimentale ne va pas être comprise, et on va constamment lui renvoyer l'idée que depuis Madame Bovary, il descend les marches d'un escalier, quoi. Et à tel point qu'à la fin de sa vie, il va dire, si je pouvais racheter tous les exemplaires de Madame Bovary qui sont en circulation, je les détruirais pour ne plus entendre parler de ce roman. Oui. Alors qu'est-ce que change Madame Bovary profondément dans l'histoire de la littérature, parce qu'on peut pas imaginer une littérature française aujourd'hui sans l'apport de Madame Bovary. Mais c'est quoi cet apport, Yvan Leclerc? Alors, ça se présente d'abord comme d'une manière inoffensive, comme vous disiez au bout du titre, comme un roman balzacien, un meurtre de province. Bon, et puis quand on entre dedans, ce que Flaubert introduit peut-être, c'est le fait que le lecteur n'a plus de point de repère quant aux valeurs, et en particulier aux valeurs sociales, ce qui va précisément provoquer le procès. Et ça, c'est lié au principe que Flaubert découvre en écrivant ce roman, qui est le principe d'impersonnalité. Impersonnalité, ça veut dire que la personne de l'auteur ne doit pas apparaître, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas des confessions, hein, et en même temps, son opinion ne doit pas apparaître. Mmh. Et donc, le livre est un objet qui doit être séparé de tout. C'est une œuvre qui n'existe qu'en elle-même. Oui, alors ça c'est le fameux livre sur rien qui se définit par ses rapports internes. Mais en plus, il doit surtout être séparé des valeurs morales sociales. Parce que Flaubert intervient dans un contexte qui est que la littérature doit servir à quelque chose. Et qu'elle doit servir à l'élévation morale ou à l'édification de son lecteur. Or, à l'intérieur de Madame Bovary, il n'y a pas de porte-parole de l'auteur, il n'y a pas de narrateur qui intervient pour dire où est le bien. C'est ce que va lui reprocher d'ailleurs Pidal. Qui est-ce qui peut condamner Madame Bovary à l'intérieur du roman? Parce que tous les porte-paroles internes sont disqualifiés. On ne peut pas condamner à l'intérieur du roman Madame Bovary au nom de la religion, puisque la religion est représentée par un imbécile qui est bournisien. On ne peut pas la condamner au nom des valeurs de par exemple, de la famille, puisque Charles est un mari insuffisant, médiocre et stupide, etc. Il n'y a pas de porte-parole interne, au fond. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On parlait tout à l'heure du procédé du style indirect libre. Ça, c'est aussi une innovation technique tout à fait extraordinaire, puisque le narrateur se dispense, en quelque sorte, d'une sorte de discours externe par rapport à ce que pense son personnage. Et donc, le lecteur est à la fois du côté du personnage et en même temps un peu à l'extérieur, et Flaubert constamment empêche une identification à son personnage en dénonçant la fausse conscience ou les illusions que le personnage se fait sur lui-même. Mmh. Et puis, ça, c'est nouveau. Il y a cette notion qui est la notion de bovarisme. Je propose d'écouter un extrait qui peut-être l'illustre assez bien. Elle se répétait « J'ai un amant ». Un amant, se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait. Les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations, et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant enviée. La compagnie des auteurs, c'est quoi le bovarisme, Yvan Leclerc? C'est vivre dans le rêve d'un autre destin que celui qu'on a? C'est vivre dans la littérature? C'est quoi? Alors, c'est tout cela à la fois. Alors, le bovarisme, le néologisme n'est pas de Flaubert, il est de Jules de Gautier, qui est un philosophe, fin 19e, début 20e, et qui a défini le bovarisme comme la faculté des parties à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est, oui. Et en particulier à travers les livres. Alors, des parties à l'homme, c'est-à-dire que Jules de Gautier généralise cette notion de bovarisme à partir du personnage de Flaubert pour en faire une sorte de catégorie universelle. Et c'est là où Flaubert, atteint une sorte de perfection dans la littérature, parce qu'il va transformer le destin singulier d'un personnage en une notion désignée par un nom commun. Et rares sont les types romanesques qui deviennent, ou les types de la littérature qui deviennent des noms communs. Il y a avant lui Quichotte, Don Quichotte qui a donné le Don Quichotisme, il y a Don Juan qui a donné le Don Juanisme, et d'une certaine manière, Emma se rapporte aussi, enfin, à des affinités avec le Don Juanisme et le Don Quichotisme, et en particulier par la médiation du livre. Mmh. Elle se rêve évidemment en tant que lectrice. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre sur les livres. Même chose, ça va être la même chose pour Bouvard et Pécuchet, bien sûr. Ça va être un livre fait à partir de livres, qui est vertigineux pour le lecteur, parce que le lecteur ou la lectrice est en train de lire un livre dans lequel il est question des livres. Et c'est sans doute l'un des ressorts qui fait de ce roman un roman universel. Mais cette notion inépuisable de bovarisme, elle ne peut émerger qu'à cette époque-là, que dans ce 19e siècle-là, avec les mentalités que semble accrocher très bien Flaubert de son époque. Oui, alors je suis en train de réfléchir. Ben, oui et non, parce que Don Quichotte souffre aussi de bovarisme. Alors, ce qui est peut-être un peu différent par rapport à Flaubert, c'est que il prend une héroïne féminine. Alors, il faut d'abord que les femmes sachent lire. Et donc, le bovarisme et la lecture est lié évidemment au développement de l'éducation et de l'alphabétisation au XIXe siècle. C'est lié aussi au développement de la presse, bien entendu, puisqu'Emma lit des romans qu'elle emprunte d'ailleurs dans les cabinets de lecture. Il faut que dans la province où vit Emma, le livre arrive. Et donc Flaubert vit évidemment cette époque, là, disons la monarchie de Juillet, qui va être celle du développement de la presse, du fait que la littérature, en particulier la littérature romantique, va se répandre jusqu'au fin fond de la campagne. Et là, effectivement, on est lié à un état de l'imprimerie et de la diffusion de la presse. Oui, parce que Emma Bovary est quand même fille de la littérature romantique, donc il ne peut pas y avoir d'Emma Bovary avant Absolument. Le romantisme. Oui, mais on pourrait imaginer une Emma Bovary qui lise autre chose que de la littérature romantique, qui se projette à l'intérieur des livres. Mais elle ne se projetterait pas d'une manière aussi... au fond, la littérature romantique est liée, bien entendu, à une littérature du cœur, à une littérature sentimentale, hein, à une littérature de la première personne. Il y a une phrase tout à fait extraordinaire de Flaubert qui dit que ce qui intéresse Emma, c'est tout ce qui se rapporte à la consommation immédiate de son cœur. La consommation immédiate de son cœur. C'est peut-être la première fois, Madame Bovary est le premier roman, certainement, de la consommation. Ouais. Et la consommation de livre-objet, la consommation des objets, et de l'objet-livre qui renvoie une image valorisante du personnage. Donc c'est un roman extrêmement moderne, qui n'a absolument rien perdu aujourd'hui de sa vivacité. On peut même dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement précurseur dans la vision qu'avait Flaubert du rapport à la fiction, du rapport aux médias. Tout à fait, du rapport aux médias et à la fiction. Il y a une très belle illustration de ça, c'est le roman graphique de Posy Simmons qui s'appelle Gemma Bovary, qui se passe aujourd'hui en Normandie, et où elle fait de la carte bancaire quasiment le personnage principal du roman, c'est-à-dire que cette Gemma Bovary passe son temps à acheter. Il y a une sorte de manière pour Emma de combler le vide existentiel ou le vide affectif par des achats. Et évidemment, l'un des personnages le plus important et qui va provoquer la ruine d'Emma, c'est l'heureux, c'est-à-dire celui qui va à la fois être l'usurier et celui qui va lui proposer des objets à acheter. C'est un roman de l'objet. Ça aussi, c'est nouveau, finalement, par rapport... Claude Duchet disait ça très bien dans un article ancien sur les objets dans Madame Bovary. Flaubert invente l'objet. Et pas seulement l'objet, si je puis dire, mais l'objet presque sujet du roman. Mmh. Les objets apparaissent en premier plan à travers des descriptions qui prennent une ampleur tout à fait considérable chez Flaubert. Et l'objet arrive, c'est Proust qui dit ça très bien dans son texte de 1920 sur le style de Flaubert, il dit que les objets font l'action. C'est un peu les choses, Madame Bovary. Exactement. Les choses de Pérec et dans l'intertexte, comme on dirait aujourd'hui, de Flaubert, bien sûr. L'éducation sentimentale, plus que Madame Bovary, dans l'intertexte de l'éducation sentimentale, les choses. Bien entendu. Il invente l'objet, le statut romanesque de l'objet. Il y a des objets chez Balzac, bien entendu, mais qui n'ont pas cette autonomie, pourrait-on dire, comme chez Flaubert. Alors le bovarisme, Yvan Leclerc, à l'époque où paraît le roman, à l'époque du procès, ça n'a pas le même sens que ce sens dont on parle ensemble depuis quelques minutes. C'est un positionnement par rapport au livre. On est bovariste quand on soutient le livre contre la censure. Et vous expliquez que les hommes, comme les femmes, peuvent être bovaristes dans ce sens-là, mais pas de la même manière. Alors, le néologisme bovarisme n'a pas été inventé par Flaubert. Il se trouve déjà chez Barbey d'Aurevilly et il a été théorisé ensuite par Jules de Gautier, comme on le disait. Mais Flaubert, effectivement, parle des bovaristes puisqu'il a eu des soutiens à la cour pour défendre son roman. Et au fond, les bovaristes qui prennent parti pour lui sont effectivement plus des femmes que des hommes. Il y aura des critiques, évidemment, qui vont défendre son œuvre, mais peut-être parce que les femmes se reconnaissent dans cette condition. Il y a une identification des femmes au personnage d'Emma Bovary, alors que les hommes vont plutôt défendre le livre pour défendre l'artiste. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est la différence entre le personnage et puis l'auteur, absolument. Et au fond, alors, ce qui est passionnant dans cette affaire dont vous avez déjà parlé de Madame Bovary, c'est moi, dont on ne sait pas si Flaubert l'a dit ou pas, parce qu'on n'était pas là, mais on sait qu'il n'a jamais écrit. Si la correspondance maintenant est en ligne et avec un moteur de recherche, et on peut voir qu'il ne l'a pas écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui dit ça. Et à propos d'une femme, je est une autre, et non pas je est un autre. Et c'est ça qui a fasciné les gens de sa génération également. Le fait que ce soit un homme qui connaisse aussi bien le cœur des femmes. Et Flaubert, à cette occasion, gagne une correspondante qui va lui écrire presque jusqu'à la fin de sa vie, Marie-Sophie Leroyer de Champdepy, une dame qu'il ne rencontrera jamais, et qui lui dit, mais Madame Bovary, c'est moi, je me suis reconnu, et comment est-ce que vous, un homme, vous avez pu savoir ce qu'une femme pouvait penser. Mais parce qu'il est atteint de bovarisme, Flaubert, vraisemblablement. Ah, certainement. En particulier, un bovarisme à la fois, comme diraient les frères Goncourt, un bovarisme qui est lié à l'exotisme dans le temps et dans l'espace, parce qu'il rêve d'être ailleurs. Quand il est en Normandie, il rêve d'être en Orient. Et il rêve aussi, ou il imagine même qu'il a vécu dans l'Antiquité. Et à la fois, toute la partie orientale de Flaubert et toute la partie histoire antique, bien sûr, est liée à son bovarisme. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Madame Bovary avec vous, Yvan Leclerc. On pourrait peut-être parler un petit peu du texte en lui-même, et notamment de l'idée de plan. Parce que Flaubert, qui s'était constitué un certain nombre de règles d'écriture, avait parlé de la notion du fil du collier. Il fallait enfiler les perles, si l'on peut dire, comme des chapitres. Mais ce qui était important, c'était le fil du collier, c'est-à-dire la logique globale du livre avant même de l'écrire. Et il se méfiait de la notion d'inspiration. Alors ça, c'est très bizarre, parce que on a toujours l'impression que ce qui compte pour un écrivain, c'est précisément l'inspiration. Et pour lui, l'inspiration est une chose qu'il faut regarder d'assez loin. Pour quelle raison, Yvan Leclerc ? Parce que l'inspiration, c'est lié à une sorte de dictée, du romantique, de dictée de quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Bah, c'est de l'inconscient aussi. Alors, de l'inconscient, et puis qui viendrait de la personne. C'est-à-dire que si vous écrivez sous le coup de l'inspiration, vous allez faire du roman personnel, et pas du roman impersonnel. Et du coup, quelque chose qui ne va pas tenir sur la distance. Hein. Flaubert remplace l'inspiration par le travail, par la transpiration, pour donc, être dès dire, qu'il est inspiré, il barre. Non, alors, l'inspiration, elle est là dans les textes de jeunesse. Quand vous regardez un manuscrit de jeunesse, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de rature. Il écrit d'un seul jet, et il ne se reprend pas. À partir de Par les champs et par les grèves, le récit de voyage, là, les ratures apparaissent. Et la première tentation de Saint-Antoine de 49, là, il commence à faire des plans et des scénarios. C'est un écrivain à programme. Alors, en disant programme, je reprends l'expression du grand généticien littéraire, c'est pas Axel Kahn, qui s'appelle Louis Hay, qui fait la différence entre les écrivains à programme et les écrivains à processus. Les écrivains à programme sont ceux qui préparent, qui planifient, en quelque sorte, l'œuvre à venir. Et Flaubert va avoir toujours cette démarche-là, un peu comme un bon élève qui commence par écrire ses idées, qui fait un plan avant de commencer à rédiger. Les autres types d'écrivains, c'est écrivain à processus, c'est-à-dire quelqu'un qui se lance sans trop savoir où il va aller. La première phrase entraîne la deuxième la troisième, c'est Stendhal. Stendhal ne fait pas de plan, il dit lui-même d'ailleurs qu'il ne se relie pas parce qu'il a peur de mentir. Et qu'est-ce que Flaubert pense de Stendhal alors ? Ah, il en pense du mal, mais pas à cause de ça, parce que il pense que c'est une sorte d'esprit brillant, mais qu'il n'y a pas de profondeur littéraire. Mmh. D'ailleurs, quand il interroge, je crois que c'est Maupassant, il est en train de composer ce qui aurait dû être le deuxième volume de Bouvard et Pécuchet, il lui dit est-ce que vous pouvez relever les stupidités de Stendhal ou les bêtises de Stendhal ? Enfin, c'est un écrivain qu'il n'aime pas. Mais donc lui, il va planifier. Et sur les 5 ans en moyenne que dure l'écriture d'un roman, il passe environ 3 mois à faire du plan, ce qu'il appelle plan ou scénario. Ce qui n'est pas tant que ça finalement, parce que ça signifie qu'il a déjà pensé la globalité de son roman. Il pense la globalité, et quand il commence à écrire, plus rien ne bouge. Tout est en place, les personnages, les bancs. Il y a très très peu d'invention au sens narratif, si vous voulez. Et c'est la phase où Flaubert dit « je me mets aux phrases ». Et là, il écrit. Il écrit, il fait des phrases, il fait du style. Mais l'ensemble de l'architecture, y compris dans les moindres détails, puisqu'il fait des scénarios généraux, mais aussi des scénarios partiels. Alors, le travail scénarique ne s'arrête pas au bout de 3 mois. Le travail scénarique précis, chapitre par chapitre, évidemment, accompagne ensuite l'écriture progressive du texte. Et ce qui est intéressant, c'est que Flaubert écrit, il écrit pas un premier jet complet avant de reprendre un deuxième jet intégral. Il écrit progressivement, et quand les choses sont en place, au fond, il n'y touche pas ou très peu. Il a une écriture progressive et il met au propre progressivement le texte sur lequel il est en train de travailler. Donc il a ses scénarios, il a même plusieurs versions de scénarios, oui. c'est le mot que vous employez. Absolument. C'est lui qui parle de scénario. Alors évidemment, scénario, on a l'impression que c'est un anachronisme, mais il utilise le mot scénario parce que c'était un mot utilisé dans le vocabulaire théâtral au XVIIIe siècle pour dire l'argument théâtral au fond. Donc c'est lui qui parle de scénario. Nous aujourd'hui on pense au cinéma, plus qu'à la littérature quand on parle de scénario, mais le terme de scénario se trouve chez Flaubert lui-même. Et il fait lire son scénario à ses amis, et on voit dans le scénario qu'il peut y avoir des idées des uns et des autres, ou en tout cas des commentaires des uns et des autres. Le scénario, il ne le fait pas lire à ses amis, sauf Louis Bouillet, qui est son très proche, alors il discute avec lui, mais pour le reste, non, il lit beaucoup Flaubert, mais l'œuvre achevée. Il ne lit pas en cours de route, il lit le texte mis au net. Mais avec Bouillet, effectivement, ils travaillent en commun, oui. Alors Yvan Leclerc, vous restez avec nous, on parlera en seconde partie de cette émission de Bouvard et Pécuchet, juste après la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui, comme chaque jeudi, prend la forme de quelques minutes proposées à la sagacité de l'un de nos grands lecteurs aujourd'hui, en l'occurrence de vous, Marc Poré, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes professeur à Paris 3 et à l'École Normale Supérieure. Vous êtes avec nous exceptionnellement par téléphone pour nous parler aujourd'hui de Flaubert et de votre éducation sentimentale qui s'est faite pour vous en Hippocagne. C'était à Bordeaux, racontez-nous ça. Oui, c'était en 1973, c'est un voyage dans le temps. Et on peut dire qu'à l'époque, j'ai découvert quelque chose qui était tout à fait parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai découvert l'art romanesque, la technique d'analyse, la phrase de Flaubert, le style indirect libre dont Yvan Leclerc vient de parler, entre parenthèses, sur lequel j'ai sué sang et eau, parce que aller expliquer le style indirect libre dans le cadre d'une explication de texte à la française, ça n'est pas simple. J'ai découvert aussi l'ironie, bien sûr le bovarisme, et puis enfin, pour faire la transition, je découvre l'apparition de Madame Arnoux, c'est-à-dire ce que Jean Rousset théorisera plus tard sous le nom de la scène de première vue. Leurs yeux se rencontrèrent. Et donc, de fait, dans la vie, cette année-là, la même année, j'ai découvert l'amour, pour le dire. Simplement, la rencontre amoureuse, on peut aussi dire... Je ne vais pas entrer dans les détails de ma vie intime, mais on peut aussi dire que j'ai découvert la politique, c'est-à-dire encore une fois le parallèle, la politique qui était la mienne, c'est-à-dire celle des années post-68, les années 70, et puis toujours en repensant à l'éducation sentimentale, l'importance de la conjoncture historique. Et dans le cadre de Flaubert, c'est bien sûr la révolution de 1848 et puis cette indifférence... cette drôle d'indifférence de Frédéric par rapport à l'histoire, par rapport aux événements, par rapport aux barricades. Il rechigne à participer et quelque part, il traverse cette époque troublée, tumultueuse, en manifestant une sorte d'indifférence. Donc vous aussi, Marc Poré, vous êtes atteint de bovarisme alors ? Bovarisme, non, mais disons que Flaubert, que je pense être... mais ça n'est pas très original, un maître de l'émancipation. Je pense qu'il a cette propriété d'éduquer ses lecteurs. Il les éduque à une forme d'émancipation, y compris émancipation d'avec le récit un peu traditionnel, linéaire, hein, qui n'hésite pas à rompre. Et donc cette émancipation, elle se traduit aussi au niveau de cette place supérieure, hein, que Flaubert réserve d'abord à l'ironie, et puis plus globalement à la construction de la phrase, c'est-à-dire que la phrase se voit élevée au rang d'un art en soi. Et ça, c'est quelque chose d'admirable, et quand on a 18 ans, 17 ans, on découvre ça, qu'on a un maître en classe de français, M. Rabaté, qui fait découvrir ça, je pense qu'on en est marqué à vie. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir été marqué par Flaubert et l'éducation sentimentale. Hein. Rien qu'en ce moment, il y a le livre de Dominique Barberis qui est apparu chez Gallimard en 2017, l'année de l'éducation sentimentale. Il y a aussi le retour de Gustave Flaubert de Catherine Vigour. Alors, vous dites que la question du lyrisme chez Flaubert, elle est paradoxale, elle est à rebours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelle raison vous dites ça, Marc Poré? Oui, alors c'est-à-dire que il y a un lyrisme chez Flaubert qui est d'abord et avant tout un romantiste. Enfin, je veux dire, il se considérait d'abord comme un enfant de Victor Hugo. Mais en même temps, il y a chez lui, pardon, je parle sous le contrôle de votre invité, Yvan Leclerc, mais il y a le désir constant de se purger de ce lyrisme. C'est-à-dire qu'il y a la double tentation. Il y a la tentation lyrique, hein, ce lyrisme qu'il définit dans une lettre à Louise Collet, hein, du 15 juillet 1853. La lettre est très connue et je n'en citerai que le début. La vie, bandée, tout est là. C'est pour cela que j'aime tant le lyrisme. Donc il y a ça et puis en même temps, ce qu'Alain Vaillant appelle un lyrisme à rebours, un lyrisme de l'ironie, c'est-à-dire un lyrisme qui se place au niveau de l'ordure, de la blague, y compris même de la stupidité lyrique, si bien que chez Flaubert, et c'est ça qu'on apprend assez tôt et puis qu'on ne cesse d'explorer et de poursuivre, c'est ce dosage très subtil entre le rire de dérision et puis le rire d'empathie. C'est-à-dire que, hein, à propos du grotesque triste, cette fois, autre catégorie, que, si bien analysée par Michel Crouzet, il y a bien sûr le rire grotesque, hein, on se sépare de l'objet risible, mais en même temps, on passe tout entier de son côté. Hein. On le devient soi-même. Et puis, pour terminer, Marc Poré, je n'oublie pas que vous enseignez la littérature anglaise. Est-ce qu'il y a eu un moment Flaubert dans la littérature anglaise? Est-ce qu'il y a toujours un moment Flaubert, d'ailleurs? Oui, alors le moment Flaubert, il a été analysé très bien par Gilles Philippe, hein, dans un ouvrage qui s'appelle « French Style, l'accent français de la prose anglaise ». Et ce moment, ce sont les années 1880, donc la mort de Flaubert, 1930, c'est 50 années pendant lesquelles les Anglais vont ruminer une idée fixe, à savoir que d'une part, un, la France, c'est le pays du style, deux, les Français savent écrire, les Anglais, non, et trois, l'anglais, c'est la langue de la poésie, et le français, c'est la langue de la prose, c'est la langue du roman. Et donc, du coup, il y aura ce moment Flaubert que Walter Pater, dans un essai de 1888 qui s'appelle Style donc, va présenter à ses contemporains, et ce moment Flaubert, il va durer jusqu'au modernisme, il va donc concerner les derniers victoriens, c'est-à-dire George Moore, Arnold Bennett, pardon, et puis bien sûr Joseph Conrad, qui est peut-être le plus grand écrivain de langue anglaise à être flaubertien. Il est flaubertophile jusqu'au bout des ongles. Il est mimétique de Flaubert dans sa façon d'écrire. Et ce moment s'achève donc en 1930, lorsque les Anglais vont se tourner vers les Amériques et vers les Américains. Mais disons qu'il en est un dernier exemple, hein, très contemporain. C'est Julian Barnes dans son fameux Perroquet de Flaubert, en 1984, ouvrage postmoderne, très intelligent, très astucieux, mais mimétique, bien sûr, hein, de l'intelligence de Flaubert, mais pétri d'admiration, et qui lui vaudra en France le prix Médicis de l'essai pour un ouvrage effectivement hybride, mi-biographie, mi-fiction. On s'en souvient en effet. Merci beaucoup Marc Poré pour cette chronique flaubertienne. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. C'est la suite de la Compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous terminons notre série Flaubert avec aujourd'hui Yvan Leclerc en évoquant à présent Bouvard et Pécuchet, dont voici tout de suite un court extrait lu par Guillaume Gallienne. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait, le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent, à la même minute, sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ».« Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. »« Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. »« C'est comme moi, je suis employé. » Alors ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. On en vient donc à Bouvard et Pécuchet, Yvan Leclerc, dont vous avez d'ailleurs édité en ligne les manuscrits. C'est l'histoire de ces deux hommes qui, on vient de l'entendre, se rencontrent sur un banc et qui décident de changer de vie. C'est ça l'histoire ? Oui, ce sont deux hommes qui sont célibataires. C'est important parce que c'est une histoire d'amitié. Alors c'est un roman sans romanesque, comme disait Marc Poré à propos de l'éducation sentimentale. C'est une expression qu'utilise Gérard Genette dans l'article « Silence de Flaubert ». Un roman sans romanesque et qui est au fond pré-beckettien. Parce que ce qu'on a entendu là, c'est du Beckett. Il y a une sorte de mécanisation dans la rencontre. C'est du théâtre ? Alors, il y a du théâtre, bien sûr. C'est une scène théâtrale qui est délimitée par... Il y en a un qui rentre du Jardin des Plantes, c'est-à-dire il y a cour et jardin. Il y a le Jardin des Plantes et l'autre qui vient de la Bastille. Il y en a un qui vient de la nature, le Jardin des Plantes, et l'autre qui vient de la culture et de l'histoire, la Bastille. Et tout ça est déjà programmé par rapport à ce qui va se jouer à l'intérieur de notre texte. Et d'ailleurs, Beckett va reprendre cette scène dans un roman qui s'appelle Mercier et Camier, où il va systématiser ce qui a déjà un caractère mécanique et systématique et répétitif chez Flaubert. Ils sont en miroir, finalement. On installe tout de suite deux personnages en miroir dans les regards croisés qu'ils vont porter l'un sur l'autre. Donc ils vont se plaire beaucoup et décider de tenter différentes expériences qui, à chaque fois, vont s'avérer des échecs. Voilà. Alors, le dernier roman de Flaubert est un roman qui renoue un peu avec le premier roman publié qui est Madame Bovary, parce que c'est un roman de la province. Et ces deux romans-là, le premier et le dernier, encadrent en quelque sorte le roman parisien qui est l'éducation sentimentale. Mais avec cette différence que Emma, provinciale, rêve de Paris où elle n'ira jamais, alors que Bouvard et Pécuchet, c'est l'inverse, ils sont parisiens et... en fonction d'une idée reçue qu'on est mieux à la campagne, en particulier quand il fait chaud l'été, ils se rencontrent par un temps de canicule, ils vont céder à l'idée reçue qui était déjà au 19e siècle, cette idée reçue qu'on trouve aujourd'hui avec les résidences secondaires. Bon, ils vont aller à la campagne. Et donc voilà, ils vont suivre le mouvement inverse. Parce que ils ont une idée rousseauiste, idyllique de la campagne, et évidemment ils vont aller de déboire en déboire lorsqu'ils vont se trouver dans ce petit milieu chavignolé, médiocre, qui vaut celui de Yonville dans Madame Bovary. Enfin, ouais. Alors comment lui vient cette idée à Flaubert ? On sait que dès sa jeunesse, il a pensé à écrire une immense encyclopédie de la bêtise humaine. Et c'est en 1872, donc 30 ans après avoir eu cette idée, qu'il commence à se mettre réellement au travail. Il commence à lire énormément de livres. Parce que là aussi, c'est la base de Bouvard et Pécuchet, c'est la lecture. Ouais. D'une certaine manière, c'est un projet qui remonte très loin, parce que qui se rattache au dictionnaire des idées reçues. Et dictionnaire d'idées reçues, il en est déjà question dans une lettre à Bouillet qui date d'Orient. Et quand Flaubert en parle, c'est déjà un projet qu'ils ont en commun. Et Flaubert dit, dictionnaire d'idées reçues, il faudrait que j'écrive une préface. Une bonne préface. Et il parle beaucoup de la préface. Et c'est cette préface qui devait présenter le dictionnaire d'idées reçues qui, en prenant de l'ampleur, va devenir tout un roman. Et le dictionnaire des idées reçues aurait été, si Flaubert avait vécu 6 mois de plus, aurait été un élément du deuxième volume de Bouvard et Pécuchet. Et c'est Bouvard et Pécuchet qui aurait fait le dictionnaire des idées reçues. Mmh. Flaubert écrit ça dans les scénarios. Donc au fond, Bouvard et Pécuchet est l'expansion de la préface du dictionnaire des idées reçues qui date donc, comme vous disiez, 25 ans en avant en fait. Oui. Donc en 1974, 2 ans plus tard, il écrit la première ligne. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Les premières phrases, évidemment, c'est très important. C'est encore plus important quand on s'appelle Flaubert. Il était très content, je crois, de cette première... Alors oui, il a beaucoup travaillé sur cette phrase. Et puis, je crois que c'est à sa nièce qu'il annonce triomphalement qu'il vient de trouver cette première phrase. Alors, c'est une première phrase tout à fait étonnante parce que... elle est anti-balzacienne. Enfin, une phrase balzacienne, ça commence par une indication de temps. Mais de temps qui passe, de temps chronologique. C'est aussi le début de l'éducation sentimentale. On commence avec une date. Or là, on commence avec le temps qu'il fait. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc, c'est déjà aussi une entrée dans le dictionnaire des idées reçues, parce qu'il y a une entrée dans le dictionnaire qui est R. Éternel sujet de conversation. Éternel sujet de conversation, il faut parler du temps qu'il fait. Hein. Et la chaleur, il y a aussi à air, une autre qui est le fond de l'air est toujours en contradiction avec le dessus de l'air. Le fond de l'air est frais. Et ouais. Et commencer un roman par une indication météorologique, c'est-à-dire quelque chose de répétitif, nous introduit dans un temps qui n'est plus le temps du calendrier, qui n'est plus le temps de l'histoire, mais qui est le temps finalement, le temps mesurable, celui du thermomètre. C'est une révolution extraordinaire que Musil reprendra dans L'homme sans qualité. Mmh. Ça commence aussi par la météo. Et alors pourquoi va-t-il avoir tant de difficultés, semble-t-il, à écrire ce roman? On sait qu'un an après le début de la rédaction, il va s'arrêter. Ouais. C'est en partie à cause de problème du mari de sa nièce qui à ce moment-là a des soucis financiers, mais on a l'impression quand même que ça lui coûte beaucoup. Oui, absolument. La difficulté, c'est qu'il intègre un matériau documentaire extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un roman encyclopédique. Et pour l'écrire, il va faire comme ses personnages eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il va se mettre à lire. Il dit à un moment qu'il a lu 1500 ouvrages pour écrire Bouvard et Pécuchet. On a cru pendant très longtemps qu'il exagérait, mais non. Si on regarde le magnifique site de Stéphanie d'Orcroulet à Lyon, où elle a reconstitué les dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet, il y a une bibliothèque, elle a reconstitué l'inventaire de la bibliothèque. Or, on est dans ces chiffres-là. Donc, comment intégrer des livres de la documentation encyclopédique à l'intérieur d'une fiction? Évidemment, ça, c'est déjà un problème énorme. Alors, quand Flaubert s'arrête, effectivement, vous avez raison, il y a des circonstances qui sont externes au roman, mais lui-même dit « c'était trop difficile, j'arrête ». C'était trop difficile. Et il cale d'une manière très symptomatique sur le début du troisième chapitre, qui est celui des sciences et en particulier la médecine. Alors ça, Sartre dit, attention, Bouvard et Pécuchet, Flaubert a voulu régler un compte avec le père, c'est un roman oedipien, et là, il y a un blocage là-dessus. Et effectivement, ce qui est très étonnant d'ailleurs, parce que Flaubert commence ses lectures par la médecine, alors qu'il sait très bien que le premier chapitre, ça sera l'agriculture, le premier chapitre encyclopédique, et du coup, il va caler là-dessus, il va le reprendre, quand il va reprendre après 3 contes, il va retravailler complètement ce chapitre 3, qui est le chapitre des sciences. Voilà, parce que les 3 contes lui permettent finalement de changer un peu les idées, et puis quand il y revient, il arrive à poursuivre son travail. Évidemment, c'est un roman qui sera inachevé, mais qui sera inachevé parce que Flaubert meurt avant de terminer Bouvard et Pécuchet. Alors, c'est un livre sur la bêtise. C'est ça le grand sujet de Bouvard et Pécuchet. C'est pas un petit sujet quand même. Qu'est-ce qui fait que Flaubert a envie d'écrire tout un livre sur cette thématique-là? La bêtise, c'est une vieille histoire. L'une des premières lettres qu'on a retrouvées de Flaubert, une lettre qu'il adresse à son ami Ernest Chevalier, il est déjà question de bêtise. Le grand rêve de Flaubert, c'est d'avoir un ami masculin, et d'écrire avec lui. Et Ernest Chevalier, il a 9 ans, il lui dit, et on va prendre un cahier, toi tu écriras tes rêves, moi j'écrirai des comédies, et puis, il y a une dame qui vient chez papa, et elle compte des bêtises, je les écrirai. C'est extraordinaire. Avec l'ambiguïté de compter des bêtises, On ne sait pas si elle en dit, c'est-à-dire si elle est bête, ou si elle raconte des bêtises des autres, c'est-à-dire si elle... Voilà. Et tout le problème est là, finalement. C'est-à-dire, comment dénoncer la bêtise sans être bête soi-même ? Quelle bonne distance prendre par rapport à l'énoncé de bêtise ? Et alors, à la fois, ce qui est très subtil, c'est qu'à la fois Bouvard et Pécuchet sont bêtes, d'une certaine manière. Mais ce sont des révélateurs de bêtises, c'est-à-dire qu'ils dévoilent la bêtise des autres. Ils sont bêtes, mais ils sont aussi très cultivés. Ils ont cette démarche de curiosité qui est importante, donc ils ne sont pas quand même que bêtes. Ce sont des autodidactes, c'est-à-dire qu'ils partent de rien. Ils ont un immense désir de savoir, un immense désir de vérité, trop de désir de vérité d'ailleurs, parce qu'ils voudraient une vérité fixe. Alors que la leçon de Flaubert, la leçon philosophique, c'est qu'on est dans la relativité du savoir. Dans le relativisme même parfois. Alors, ouais, il y a que des rapports, dit Flaubert, dans le relativisme. Et puis, on peut pas arriver à la certitude absolue, et en particulier à la cause première. La bêtise consiste à vouloir conclure, c'est-à-dire à avoir le dernier mot sur la création. Dieu peut avoir le dernier mot sur la création, mais pas les hommes. C'est ça la leçon philosophique. Donc, comment est-ce qu'on peut révéler la bêtise sans être bête soi-même ? Il y a une phrase extraordinaire au chapitre 8 qui dit ceci, Bouvard et Pécuchet eurent cette capacité de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Voir la bêtise. Et là, au fond, dans le chapitre qui est celui de la philosophie, ils commencent à prendre une distance par rapport à la propre bêtise de leur contemporain, qui est une bêtise ambiante, qui est aussi la bêtise de la bêtise de la science, parce que la science, les livres de science que nos deux personnages abordent, sont des livres qui sont souvent contradictoires. D'ailleurs, ils peuvent recopier à la fin, puisque ça se termine comme ça. Hein, c'est des copistes, Bouvard et Pécuchet, ce qui dit aussi beaucoup de choses. Oui. Et le livre, enfin là où l'avait laissé Flaubert, se termine par le fait de recopier des choses qui sont contradictoires, des textes qui sont contradictoires les uns avec les autres. Et de les mettre côte à côte, sans hiérarchie ou sans égalité de tout, dit Flaubert. Mais du coup, alors, ils redeviennent copistes, alors qu'ils l'étaient, mais... Ce n'est plus des copistes salariés administratifs, ce sont des copistes qui ont une certaine forme d'intelligence, parce qu'ils recopient les bêtises des autres, donc ils les extraient, et ils font le dictionnaire des idées reçues. C'est-à-dire qu'ils sont capables de percevoir dans le discours social la bêtise. Mais est-ce qu'ils ont un recul sur ce dictionnaire des idées reçues et sur ce qu'ils font ? Normalement, ils le font, c'est-à-dire, mais ceci dit, il est tout fait dans la langue. Il suffit de l'entendre, et Flaubert a passé toute sa vie à constituer ce dictionnaire des idées reçues, qui, par ailleurs, alimente ses livres, c'est-à-dire qu'on trouve des idées reçues, évidemment, dans la totalité de ces romans, des romans modernes, des romans contemporains. Il y a une centaine d'idées reçues qui passent dans Madame Bovary, par exemple. Hein. Et à la fois, c'est un dictionnaire sert de réservoir à toutes les œuvres et en même temps de collecteur, enfin de pour récupérer la bêtise qui s'élabore dans les romans. Mais alors, Madame Bovary, c'est moi. Bon, on ne sait pas s'il a prononcé cette phrase, mais vraisemblablement, Flaubert est tout de même beaucoup Madame Bovary. Est-ce qu'on peut dire aussi Bouvard et Pécuchet, c'est moi, et notamment dans le rapport justement à la culture, à l'érudition, au livre et à la recherche de manière générale. Il y a une différence quand même entre tous les personnages de Flaubert et lui, c'est que lui est un artiste. Le drame quand même d'Emma Bovary, comme le drame de Bouvard et Pécuchet, c'est qu'ils ne sont pas des artistes. Hein. Flaubert dit à propos d'Emma, elle avait un tempérament plus sentimental qu'artiste. Ça, c'est une condamnation absolue. Dans l'éducation sentimentale, l'adjectif sentimental, nous le recevons positivement, alors que pour Flaubert, il est négatif. Voyez où la sentimentalité a mené toute une génération, c'est-à-dire à la catastrophe. Il vaut mieux de l'intelligence que le sentiment. Oui, l'intelligence critique. Alors, est-ce que Flaubert et Bouvard et Pécuchet, il y a une phrase extraordinaire où il dit à un certain moment, je crève de mon roman parce que mes personnages m'envahissent et je deviens eux. Alors, c'est pas que, vous voyez, il s'emplit en quelque sorte de la bêtise de ces personnages ou de la démarche des personnages. Ce qui est vrai, c'est que il accomplit lui-même le trajet encyclopédique parce qu'il va lire des choses qu'il n'aurait jamais lues autrement. De la géologie, par exemple. Bon, il n'aurait jamais lu certainement des ouvrages de géologie ou d'archéologie, si ça l'intéresse. Mais la géologie et puis la botanique, enfin, pour le dernier chapitre de l'éducation, même les traités d'éducation, il avait lu l'Émile de Rousseau, mais il va lire une dizaine de traités d'éducation pour le dernier chapitre. Ça, du coup, alors, il a une sorte de mimétisme par rapport à ses propres personnages. En plus, alors la copie, la répétition, le psittacisme, on trouve ça dans le symbole du perroquet dont on parlait tout à l'heure à propos du perroquet de Flaubert et Julian Barnes. L'idée d'être un copiste, de recopier dans une sorte de distance minimale, ça c'est quelque chose qui va hanter Flaubert dans la représentation et dans la répétition. Vous parlez de Barnes, on peut terminer justement par ça. Pour vous, Bouvard et Pécuchet, ce sont deux très grands personnages de l'imaginaire romanesque européen. Ah oui, absolument. Et en plus, alors Flaubert réussit ce tour de force extraordinaire, on l'entendait dans la lecture de l'Incipit là. Il a à sa disposition des couples romanesques, ou des couples dans la littérature. Il a Don Quichotte et Sancho Panza. Il a Don Juan et Sganarelle. Mais ils sont toujours hiérarchisés. Il y en a un qui est supérieur à l'autre. Il y a le maître et il y a le serviteur ou le valet. Alors qu'avec Bouvard et Pécuchet, il va réussir ce tour de force de créer des personnages différenciés et en même temps égaux sur le plan des valeurs. Et ça, c'est très fort. Un grand merci Yvan Leclerc de nous avoir parlé aujourd'hui de Madame Bovary et aussi de Bouvard et Pécuchet. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres modernes émérite à l'université de Rouen, directeur du laboratoire Serredi, responsable du site Flaubert sur lequel vous avez fait paraître une édition électronique intégrale des manuscrits de Bouvard et Pécuchet. Vous avez également publié l'ouvrage Madame Bovary au scalpel paru en 2017 chez Classique Garnier. C'est la fin de notre semaine Flaubert, mais on revient évidemment lundi pour une série qui sera consacrée à Marguerite Duras. Tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonafé qui vous propose, comme chaque jour, ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie des auteurs, bonjour. Revers, quoi qu'il en paraisse, on continue. Revers, un livre de Dominique Kellen, paru chez Flammarion. D'abord, Oiseau. Premier chapitre, enfin Oiseaux, puis Oiseau au singulier, deuxième chapitre, et puis Eau barrée, et le livre se poursuit, tous les oiseaux sont partis, mais lui, il a installé le miroitement de ses règles, la clé au fond du lac. 1. Prendre le départ. Savoir s'il est ou n'est pas là. On fait le point. Dans la langue, la clé va avec joie. 2. Où puis-je mettre ce projet ? Ce sont des mots, les A sont les premiers, bons oiseaux, ceux qui ont. Où se trouvent-ils ? Les autres ont plus, ils sont beaux. Je vois vers davantage Dieu ou vers de plus beau. Ne soyons plus là. 3. Les corps trouvent tout bien. Qui sert d'oiseau ou de premier vocable ? Les abois, ce sont nos os. Est-ce vrai ? Et puis la fausse joie d'aller, on la dissimule dans l'air. Le fait d'être, on est là. 4. S'il faut départ et trajet, 1. Voilà, c'est lancé comme un oiseau nous lancerait. La direction se forme en allant de là à ici. On l'aperçoit. Son ombre est faite d'un sens et d'un axe vers tel oiseau ou objet se montrant. On détache. On est sur un pied, de l'autre naît l'ombre et on a plus chaud. Une claire guêpe va et vient, c'est moins calme, ça égale carrément du bruit. Notre mur avance chez le voisin, mur ou juste bas du mur. Une égale erreur de moins d'un mètre et de l'eau claire au milieu. Plus besoin d'ombre, on désaltère l'œil qui est sur soi. Il détache et permet de se tirer. L'oiseau du début est un ou une sorte d'autour. L'ombre est celle de l'autour avant de saisir la forme où le égale là. Autre poème. Regarde. Est-ce toi ? Tu es drôle comme ça d'habitude, en oiseau. Quoi a posé au centre sur la photo ? Une bête ? Une branche. Notre noire nature. Qui a posé ici n'a pas posé ? Pas l'oiseau en l'air ou au sol. D'où est-il si être est ici ? En sortant des bois, il vient. Tu bues et bois tout. Bois-en trop peu. Être la dispense d'être en l'air. Est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Ça a une eau qui n'a pas été. qui se branche avec un ou une vase. Puis, sur un regard posé sur un oiseau, cette pièce d'eau est drôle. Vois un nu. Ce nu te regarde. Merci Jacques Bonafé, vous consacriez cette semaine au poète Dominique Kellen.